Chapitre 8e. Lion de l'Atlas dormait. Lion de l'Atlas, dormez, dormez tranquille au fond de vos retraites, dans les aloès et les cactus sauvages. De quelques jours encore, Tartarin de Tarascon ne vous massacrera point. Pour le moment, tout son attirail de guerre, caisse d'armes, pharmacie, tente abri, conserve alimentaire, repose paisiblement emballé à l'hôtel d'Europe, dans un coin de la chambre 36. Dormez sans peur, grand lion roux. Le Tarasconnais cherche sa mauresque. Depuis l'histoire de l'omnibus, le malheureux croit sentir perpétuellement sur son pied, sur son vaste pied de trappeur, les frétillements de la petite souris rouge, et la brise de mer, en effleurant ses lèvres, se parfume toujours, quoi qu'il fasse, d'une amoureuse odeur de pâtisserie et d'anis. Il lui faut sa maugrabine, il la veut, il l'aura. Mais ce n'est pas une mince affaire. Retrouver dans une ville de 100 000 âmes une personne dont on ne connaît que l'haleine, les pantoufles et la couleur des yeux. Il n'y a qu'un Tarasconnais, féru d'amour, capable de tenter une pareille aventure. Le terrible, c'est que sous leurs grands masques blancs, toutes les mauresques se ressemblent. Puis, ces dames ne sortent guère, et quand on veut en voir, il faut monter dans la ville haute, la ville arabe, la ville des teurs. Un vrai coupe-gorge, cette ville haute. De petites ruelles noires, très étroites, grimpant à pic entre deux rangées de maisons mystérieuses dont les toitures se rejoignent et font tunnel. Des portes basses, des fenêtres toutes petites, muettes, tristes, grillagées. Et puis, de droite et de gauche, un tas d'échoppes très sombres où les teurs farouches à tête de forban, yeux blancs et dents brillantes, fument de longues pipes et se parlent à voix basse, comme pour concerter de mauvais coups. Dire que notre Tartarin traversait sans émotion cette cité formidable, ce serait mentir. Il était au contraire très ému, et dans ses ruelles obscures, dont son gros ventre tenait toute la largeur, le brave homme n'avançait qu'avec la plus grande précaution, l'œil aux aguets, le doigt sur la détente d'un revolver, tout à fait comme un Tarascon en allant au cercle. À chaque instant, il s'attendait à recevoir sur le dos toute une dégringolade de nuques et de janissaires, mais le désir de revoir sa dame lui donnait une audace et une force de géant. 8 jours durant, l'intrépide Tartarin ne quitta pas la ville haute. Tantôt on le voyait faire le pied de grue devant les bains morts, attendant l'heure où ces dames sortent par bandes, frissonnantes et sentant le bain. Tantôt il apparaissait accroupi à la porte des mosquées, suant et soufflant pour quitter ses grosses bottes avant d'entrer dans le sanctuaire. Parfois, à la tombée de la nuit, quand il s'en revenait navré de n'avoir rien découvert, pas plus au bain qu'à la mosquée, le Tarasconnais, en passant devant les maisons mauresques, entendait des chants monotones, des sons étouffés de guitare, des roulements de tambours de basque et des petits rires de femmes qui lui faisaient battre le cœur. « Elle est peut-être là », se disait-il. Alors, si la rue était déserte, il s'approchait d'une de ses maisons, levait le lourd marteau de la poterne basse et frappait timidement. Aussitôt, les chants, les rires cessaient. On n'entendait plus derrière la muraille que de petits chuchotements vagues, comme dans une volière endormie. « Tenons-nous bien, » pensait le héros, « il va m'arriver quelque chose. » Ce qui lui arrivait le plus souvent, c'était une grande potée d'eau froide sur la tête, ou bien des peaux d'orange et de figues de barbarie. Jamais rien de plus grave. « Lion de l'Atlas, dormez !»